Raphaël Sama au Cameroun. 1000 millions de dollars. Qui dit mieux? Mon mari m'achète des bijoux. Oh, si tu veux bijoux. Mon mari m'achète des voitures. Oh, si tu veux voiture. Mon mari m'achète des vélos. Oh, si tu veux vélo. Mon mari m'achète des pagnons. Oh, si tu veux pagnon. Mon mari me donne l'argent. Oh, si tu veux l'argent. Mon mari me cède des maisons. Oh, si tu veux maison. Ma belle-mère, elle est terrible, ma copine. Tu sais pas, je comprends pas. Quand elle rentre à la maison, je tremble. Elle me fait peur. C'est une vilaine sorcière. Aïe, oh, vraiment. Tout ce qu'on me donne, elle veut. Les pagnes, elle veut. Dès qu'on m'achète une voiture, elle veut. Elle veut même porter les talons. Elle se croit jeune, quoi. Ouais, j'ai jamais vu une vilaine femme comme ça. C'est une sorcière. Elle m'embête, elle me fatigue. On dirait que je suis sa rivale. Son fils, c'est mon mari. Elle fait même des gris-gris pour nous séparer. Mais je comprends rien. D'Olivera Boaneo, Mokili Mosimo Bongani, Asima Mokila Masangete.